Thank you. Thank you. l'amour est là, et bien sans consentement. de loi. Si tu ne m'aimais pas, je t'aime. Si je ne me confie pour toi, si je ne me confie pour toi, confie pour toi, confie pour toi. vostri piedi tutte le grazie della primavera。 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。